Caramel. Le monde a perdu sa boussole. Nouvel exemple cette semaine avec l'annonce par les Émirats Arabes Unis du prochain président de la COP28. Vous savez, les COP, ces grands raouts internationaux inutiles montés sous parrainage de l'ONU pour chercher des solutions à la crise climatique en cours. COP28 censée se dérouler en novembre prochain à Dubaï. C'est un ministre des Émirats Arabes Unis chargé de l'industrie des technologies avancées, mais aussi envoyé spécial pour le changement climatique à la dernière COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte qui a été désigné. Petit hic néanmoins dans ce CV impressionnant, le sultan Ahmed Al-Jaber, 49 ans, le nom de l'heureux élu, est aussi celui qui dirige depuis 2016 l'Abu Dhabi National Oil Company, géant pétrolier aussi connu sous le nom plus commun de ABNOC. Géant pétrolier donc qui l'an dernier a annoncé un investissement de 6 milliards de dollars dans le forage de pétrole brut aux Émirats Arabes Unis afin d'augmenter sa capacité de production. Alors donc, d'un côté nous avons des réunions internationales en charge de faire progresser la réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de maintenir l'objectif de limiter le réchauffement de la planète. De l'autre, nous avons également côté des présidents dans ces mêmes réunions et des patrons de sociétés produisant et commercialisant du carburant fossile, gaz, pétrole et compagnie, principaux vecteurs de ces émissions de gaz à effet de serre. Cherchez l'erreur. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, épisode 979, saison 34, réalisé ce soir par Valentin Jiquel. Dans un instant, on parlera du festival Spirale qui aura lieu, qui a déjà lieu, et donc le dernier épisode se passera le jeudi 26 janvier prochain. On en parle avec Mélanie Nieski, chanteuse, Virgile Jeannevin, guitariste, et Rémi Fournier, bassiste du groupe Damantra, qui sera programmé, donc ça se passera le 26 janvier prochain au Bikini. Et puis dans le courant de ce 979e numéro de Caramel Mou, notre bon professeur Thibault, remis de ses agapes orgiaques et réveillonnesques, fera ce soir sa première chronique de l'année, une chronique de Cinéphilie décalée comme d'habitude. Et on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Compositeur, musicien, chanteur, Ray Villalobos, californien, né du côté de Los Angeles, distille depuis plusieurs années des mélodies assez imparables sous son nom, mais aussi sous le nom d'un groupe House of Love qui a quand même commis trois albums sous ce nom-là. Étant donné qu'il en a déjà commis trois sous son propre nom, vient de sortir donc le septième album. Et cette fois, il s'agit d'un nouveau patronyme, The Choral Sea. Nouvelle occasion donc d'écouter les compositions de cet amoureux de la musique de Chopin. Dans ses compositions, il y a question de fêlure, de solitude, de nostalgie, sur des tempos plutôt lents, même si parfois on peut trouver un morceau plus rock que d'ordinaire. The Choral Sea, on écoute tout de suite You Fizz Up, extrait donc de ce nouvel album de The Choral Sea, Golden Planet Sky. C'est Caramel Mou et c'est à mieux. Superficially undulated. presque ça. Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kango ou pardon? On est toujours à l'écoute de Caramel Mou sur Campus FM et on commence tout de suite avec Damentra, dont Mélanie Nieski, Neski. Kneski. C'est pas facile à dire. La chanteuse de Damentra, accompagnée de Virgile Genevin à la guitare. Oui, ça fait, bonsoir. Voilà, et de Rémi Fournier, donc à la batterie et non pas à la basse, comme j'ai pu l'indiquer en début d'émission. Ça commence pareil, hein. Voilà. Mais ouais, tout c'est... à fait, c'était très intimement lié. Voilà, et ça se joue avec les mains. Donc, Damentra, un groupe que l'on pourra voir. Dans 15 jours au Bikini, en clôture d'un festival Spirale commencé vendredi dernier avec un concert au Métronome. Le festival Spirale se propose pendant 4 soirées de janvier, le prochain ce soir aux Connexions Live, de mettre en avant des artistes locaux, professionnels ou semi-pro, montés à l'initiative de l'association Discret Sérieux Humble, DSH, association créée au début des années 2000 par Robert Ovor, un ancien du groupe de rap toulousain KDD, et puis également monté avec La Spirale, une maison de production musicale basée en Occitanie, émanation de la première association DSH. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre tout, mais en clair, les deux structures sont intimement liées. La proposition de cette première édition multiplie les propositions artistiques. On pourra y écouter du folk, du hip-hop, du rock, de la pop, de l'électro, il y aura même de la danse et de la soul. Ce soir, ce festival sera donc aux Connexions Live avec Nicolas. C'est du rap Kimia, de l'afro soul, Falk, du rap Chamoulou, également du rap, et Natty Green, de la soul. Vendredi prochain, le festival Spirale s'installe au Criard, à Auch, pour un troisième concert. Et puis ce festival se clôturera donc le 26 janvier, c'est un jeudi, au Bikini. Et avec moi donc dans ce studio, des musiciennes du groupe Damentra, tout à la fois membres de l'écurie de la maison de production La Spirale, mais également programmés en clôture de ce festival Spirale le 26 janvier au Bikini et en catégorie rock. Là, avant de parler de votre groupe, quelques mots sur La Spirale et le travail qu'ils font avec vous, Mélanie. Alors, ils nous accompagnent depuis le début de l'année 2022. On a entamé un gros changement d'imagerie. On s'est posé pas mal de questions sur notre stratégie de développement et tout. Et ils nous ont beaucoup accompagnés dans ce chemin-là. Et avec eux, on travaille aussi avec l'association Regard, qui nous aide aussi donc sur la prod depuis le début de l'année. Là. Et qui fait un peu le travail d'attaché de presse. Oui, on a en plus une attachée presse qui s'appelle Mina Forward, qu'on embrasse très fort. Ce travail-là, c'est un travail à la demande. Comment on fait pour intégrer une écurie comme La Spirale qui se monte en plus, qui a quoi, 2-3 ans d'existence à peine? Oui, je crois que c'est assez récent. C'est eux qui nous ont plus ou moins trouvés. Ils nous ont vus en concert et ensuite on a commencé à discuter. Voilà. En quoi consiste le travail qu'il faut avec vous? Vous dites qu'il y a un travail de réflexion sur notre positionnement, sur la façon dont on veut aborder les concerts, peut-être sur un changement de répertoire, sur une nouvelle façon de faire évoluer notre musique. En quoi ils vous aident exactement? Ils nous ont pas mal aidés à définir notre nouvelle imagerie. Toute l'imagerie, comment on se présente visuellement sur les photos notamment. On a fait toute une série de nouvelles photos de presse. On a changé pas mal aussi notre imagerie sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ils nous ont pas mal guidés là-dedans, dans ces choix-là. Et ensuite, ils nous aident en nous programmant aussi sur des événements comme celui-ci qui est incroyable, Bikini quoi. Et donc un travail de diffusion. Ils interviennent aussi sur la façon dont vous êtes sur scène, sur la façon que vous avez de vous présenter devant un public ou pas? On a eu des bons retours, des retours très constructifs qu'on a pris en compte quand on est retourné en résidence ensuite pour travailler ça, ouais. Très bien, donc on va passer à la suite et je ne sais pas si vous êtes des habitués de cette émission, mais nous avons dans cette émission un trublion qui passe, qui arrive, qui revient. On l'appelle le Zébulon de la Cinémathèque. notre bon professeur Thibault qui va venir nous parler de cinéma. Le cinéma, quelque chose d'important pour votre musique ou pas ? Pas spécialement, hein, c'est pas quelque chose... C'est pas quelque chose sur lequel on se concentre quand on compose et quand on écrit, mais ça nous empêche pas d'aimer certains films, voilà. Le travail sur les clips, c'est quelque chose qui est important pour vous ? Oui. Ouais. Oui, oui, aussi. Ouais. Parce ça aussi, c'est quelque chose que vous allez être obligé de développer. C'est les cartes de visite actuellement de tout groupe qui commence à être diffusé sur le net. Bien sûr, ouais. Mélanie parlait d'identité visuelle, ça a été aussi bien revu avec le nouvel aspect qu'on a avec l'album, l'EP pardon, qui arrive. Et on travaille avec pas mal cet état d'esprit de qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui correspond à l'identité qu'on a aujourd'hui. Et aussi avec l'équipe des Incultés avec qui on travaille beaucoup, qui sont des amis qui sont bien bien férus de cinéma et qui nous conseillent énormément aussi en ce sens. Sur tout ce qui va être tournage de clips. Tout à fait. Voilà. Bon, si, oui. Et d'ailleurs, on a sorti un single mercredi, ouais. Keep On, donc, qui est clippé. Mmh. Donc j'en profite pour balancer l'info. On peut aller voir sur YouTube, voilà. Et donc là, il y a une espèce de scénario aussi. Il n'y a pas vraiment de scénario, c'est comme si c'est un concert en fait. Mais il y a un gros travail de lumière qui a été fait par l'équipe du Rio qu'on embrasse, chez qui on l'a fait d'ailleurs ce clip. Donc le Rio, cette salle de Montauban. Si l'un d'entre vous veut laisser un micro à Fred, il va peut-être pouvoir intervenir tout de suite. Fred, bonsoir. Bonsoir, petite fée de la FM. Bonsoir, professeur Thibault. Comment allez-vous ? Oh, ben, ça va, et vous ? Ouais, ça va, ouais. Ouais, ouais, ça va. Bon, on vous a fait une petite place en début d'émission. Ben, c'est super, de telle manière que mon grand âge. Voilà, et que vous puissiez ensuite vaquer à vos comme occupations. Ça, écoutez, comme ça, je peux rentrer chez moi, vivre ma vie de famille. Voilà. Formidable. Bien tranquillement. Bon, on parle de quoi ce soir ? Sur mon canapé. Je sais pas. J'en avais deux. D'un côté, je soigne mon image et de l'autre côté, je la soigne pas. Qu'est-ce que je prends, celle où je la soigne pas ou... Non, je me suis dit, je la soigne pas avec les deux. Ouais. En fait, allez. Voilà. Je vous garde ce grand film de chien qui est Caniche. Vous avez promis de l'inceste et les chiens. Voilà. Donc, mais ça, on le verra plus tard. Le Caniche. Le Caniche, on verra plus tard. Bon, voilà. C'est un film espagnol, mais ça mérite un petit développement. D'accord. Voilà. Alors que là, par exemple, je vais aller très vite. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire Die Nacte und der Satan. Ah oui. Voilà. Pardon my Spanish, comme on dit. Ouais. Il y a Satan dans l'histoire, ça fait peur. Voilà. Alors, donc en fait, si on traduit, ça donne La femme nue et Satan. Ah ouais. Alors, c'est un super titre. Ah bah oui. Ne trouvez-vous pas ? Faudrait peut-être le mettre en français, on comprendrait tout de suite. Oui, alors c'est... Non, non, mais c'est ça. C'est La femme nue et Satan. C'est sorti en France sous ce nom-là. D'ailleurs, vous allez voir, il y a un acteur français dans le film que vous connaissez très bien. Ah oui. Et comme vous êtes un grand malade, vous avez évidemment la version allemande. Mais bien sûr. Mais allons, il faut se nourrir à la source, s'abreuver directement à la source, comme dirait le poète. Ouais, ouais. Donc La femme nue et Satan, vous savez bien, c'est un film donc allemand, maintenant, voilà, vous le savez, qui date de 59. Ah oui, quand c'est même. Un film de Victor Trivias, qui est un metteur en scène que je connais très peu, mais je m'en fous un peu. De toute façon, il a très peu tourné. Ouais. Et en dehors de ce film-là, je vous avoue que je m'y intéresserai pas trop. Mais alors, celui-là, ça, c'est une bizarrerie. Alors ça, c'est un cas unique dans la production allemande et dans la production européenne de l'époque. C'est un film, on va dire, fantastique, d'horreur, etc., avec Michel Simon. Ah ouais ? Oui, avec Michel Simon. Il avait besoin, lui aussi, de faire des ménages pour finir ses fins de mois. Oui, mais en fait, il a tourné en Allemagne. Hein. D'ailleurs, la même année, il a fait un autre film allemand. Alors, je n'ai plus le titre en tête. C'était très courant à l'époque. Hein, vous savez, c'est côté... Ces productions, voilà, ces grosses productions européennes. C'est coprode, en fait. Ça permettait, en fait, de sortir le film, non seulement en Allemagne, parce que Michel Simon était connu en Allemagne, mais aussi bien sûr en France, puisque il était très très très connu. On rappellera à la même époque qu'il y avait aussi plein de grosses productions européennes qui étaient à l'origine de certains péplums italiens. Oui, tout à fait. Ça n'existe plus, hein, les coprodes, hein, quasiment plus. C'est très rare parce que c'est très compliqué à monter, mais à l'époque au moins ça permettait d'exploiter les films dans plusieurs pays européens et quelquefois même aux États-Unis. Voilà. Bon. Alors sur ce fameux Die Nacht Under Satan, je résiste pas, hein, j'aurais pu dire la femme nuée Satan, mais je résiste pas à me ridiculiser à l'antenne, j'adore ça. C'est pas souvent voilà. que vous le faites en Allemagne. Ouais. Non, non, non, c'est pas souvent, c'est vrai, c'est pas souvent. Et alors, je résiste pas quand même à vous lire une petite partie quand même du résumé. Hein, parce que là, on est, attention, ça ne rigole pas, on est au niveau de Citizen Kane. Hein, puisque le professeur Abel, alors le professeur Abel, c'est Michel Simon. Hein, voilà. Donc, il a inventé un sérum extraordinaire qui permet de conserver vivante une tête séparée de son corps. Ouais. Ce qui est bien pratique. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est bien pratique. Ah, mais oui, mais vous partez en voyage dans une valise, vous mettez la tête, le reste en soute. Avouez que c'est bien pratique. Vous économisez. Et donc, le scientifique a expérimenté son invention sur un chien. Et ça marche. Et donc, c'est quand même un film de chien. Voilà, et c'est quand même un film de chien. Et ça marche. Et c'est le chien du professeur Abel. Ça, c'est un détail. Mais son assistant, le docteur Brandt, pour ne pas se tromper, private joke, hein, mais bon. Alors, qui est joué par Horst Frank, qui est un acteur allemand, lui. Alors, très, très, très connu. Qui a fait énormément de films, un petit peu partout. Il jouait très souvent les méchants allemands quand il tournait en France, et quelquefois les détectives quand il tournait en Allemagne. Et on a pu l'apercevoir aussi dans quelques épisodes de Derrick. Ah oui. Moi, je suis un grand fan de Derrick. Ça m'étonne pas. Voilà, il a fait quelques Derrick. Donc, le docteur Brandt, lui, qui nourrit d'autres intentions, et c'est là que ça devient très compliqué. Lui, il veut greffer la tête parfaite d'Irène, qui est une infirmière bossue, oui monsieur, sur le corps ravissant d'une danseuse de cabaret. Mais qui a une tête qui n'est pas rigolote. Ce qui peut être très pratique aussi. Oui. Ce qui est... Non, mais oui. il ne faut pas se le cacher. Ben ça peut être très pratique. Et vous vous doutez bien que cette décision va avoir des conséquences dramatiques. Oui, et que l'opération ne va pas marcher. Voilà. Et alors c'est absolument hallucinant, puisque Michel Simon, donc, lui qui joue le professeur Abel, je crois qu'il y a une petite dizaine de minutes comme ça, où il est Michel Simon, enfin voilà, il est parfaitement Michel Simon. Mais en fait, il se retrouve bien vite la tête coupée, voilà, et qu'il est dans un bocal après. Alors sa tête est dans un bocal. Donc si vous voulez voir Michel Simon, en fait, qui passe tout un film dans le formol, dans un rôle de tête coupée, voilà, c'est le film qu'il faut voir, et c'est le seul de l'histoire du cinéma, voilà. Alors j'ai beau me moquer, c'est un film absolument incroyable quand je vous dis que c'est un cas unique. Déjà au niveau de l'ambiance, parce que c'est ce que j'appelle les films d'horreur jazzy, en fait. Il y a une super partition de jazz en fait pendant tout le film, ce qui correspond pas du tout à l'ambiance. Oui, à ce type de film fantastique, de voyez, de savant fou, etc. Horreur. Et surtout, il y a un truc incroyable, c'est que moi j'adore éplucher les fiches techniques des films. J'aime bien les noms, les dates et tout, etc., etc. Et que au générique de ce film, on trouve un garçon qui s'appelle Hermann Warm. Alors on se dit, tiens, personne ne le connaît, Hermann Warm. Mais si, vous le connaissez. En fait, c'est le décorateur du cabinet du docteur Caligari. Ah oui. Vous savez, le film muet. Qui a participé à populariser l'expressionnisme allemand et tout ça. Donc tout est en perspective brisée, etc. Visuellement, c'est absolument magnifique. Il y a un noir et blanc très, très, très tranché, comme ça. Donc il y a une espèce d'ambiance comme ça, un petit peu bizarre. Voilà, pendant tout le film, on se demande de ce qu'on voit. On est toujours surpris par ce qu'on voit. Bien que, vous avez vu, hein, je vous ai lu une partie de l'intrigue. On est dans quelque chose de bien calibré, quoi. Mais l'ambiance, alors évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de scènes de cabaret, il y a quelques scènes coquines, etc. Et puis il y a ces scènes, bien sûr, d'horreur, avec les têtes coupées comme ça. Et d'opérations, et dans ces espèces de décors comme ça, aux perspectives brisées. Voilà, moi je trouve ça absolument magnifique. Le Blu-ray rend totalement justice au film. C'est un Blu-ray qui est absolument incroyable visuellement. Bien entendu, sous-titré. Alors, bien entendu, sous-titré anglais. C'est pas sous-titré français, mais c'est sous-titré anglais. C'est déjà pas mal, mais on comprend même en allemand. On comprend, je l'avais déjà vu, le film en allemand non sous-titré. Oui, mais vous avez fait première langue allemande au collège. Les sous-titres, c'est une légende. Si vous faites un bon film, vous n'avez pas besoin de sous-titres. Ça, c'est ça, il faut que ce soit dit, il faut que ce soit clair. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Et je terminerai alors par un truc très, très, très bizarre, puisque c'est un film qui vraiment est entouré de mystères. Bien évidemment, j'ai essayé de savoir si c'était la vraie voix de Michel Simon. Et en fait, non, il est doublé. Et on se dit, tiens, parce que c'est bizarre, parce que le film qu'il avait fait avant Il se doublait lui-même en allemand. Ah ouais. C'était souvent le cas à l'époque quand on tournait à l'étranger. Alors je me suis dit, mais pourquoi c'est pas la vraie voix de Michel Simon? Et dans l'AVF aussi, dans la version française, c'est pas sa voix aussi. C'est un imitateur qui imite Michel Simon, et l'imitateur s'appelle Jean Valton. Vous voyez, c'est absolument fou. Ouais, ouais. Qui a fait quelques jeux de 20 heures. Lui, ouais, exactement. Hein, ouais. Voilà. Ah, ouais, alors, c'est Jean Valton qui imite Michel Simon. Et est-ce que vous savez pourquoi? Oui. Ah. Et là, ça devient terrible. Alors, Michel Simon, le film qu'il a tourné en Allemagne là, cette même année, et dont le titre m'échappe toujours, il était barbu et il devait se teindre la barbe. Et en fait, il a utilisé une teinture et il a fait une allergie. Et il a gonflé de la gorge et en fait, il n'arrivait plus à parler. Ah oui. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'il arrivait à annonner, articuler à peu près comme ça, mais à parler, non. Voilà. Donc, méfiez-vous des lotions pour vous teindre la barbe. Oui, c'est vrai. Ça, ce sera la morale de cette chronique. Ben oui. Hein, voilà. Donc, faites très, très, très attention. Moi qui avais l'idée de me faire une petite couleur blonde ce week-end, je peux arrêter. Voilà. Surtout que vous faites de la radio. Voilà. Donc, ce serait dommage que vous perdiez ce bel organe qui contente les auditeurs depuis tant d'années. Exactement. Hein, voilà. Voilà. Alors, ça, c'était la petite morale. Attention aussi, si vous avez l'idée de couper des têtes et que vous comptiez les gardiens vivantes séparées de leur corps, attention surtout de ne pas avoir comme assistant le fameux professeur Brandt. Il faut toujours se méfier des Allemands, on le sait bien. Là, ça n'engage que vous. Merci professeur Thibault. On se revoit la semaine prochaine peut-être. Oui, peut-être pour un film avec des scènes d'inceste et des scènes de chiens. Et ça, c'est formidable. Quel programme ! Ah, allez, bon week-end. Je vous avais promis une année énorme. Under my feet, I got your eyes and energy. I'm no longer melanin. Let the show begin. I'm Jacqueline Hyde. Now I'm still alive. I'm Jacqueline Hyde. après cet intermède cinématographique de cinéphilie décalée, complètement foutraque mais néanmoins essentiel, on revient avec nos invités du soir d'Amantra. Deux, trois mots sur la chronique que vous venez d'écouter, d'entendre. C'est complètement fou. Ouais. Par contre, il nous l'a très très bien vendu. Ouais. Très bien vendu. Je pense qu'on va regarder sur Internet. Ah ouais. Sur Internet, moi je veux le louer. Oui, attends. Dans un vidéoclub. Il nous l'a super bien vendu. Est-ce qu'il y a un vidéo futur dans le coin? J'allais dire, ça existe encore. En VHS. Des clubs vidéo en VHS. Non, ce qui est fou, c'est qu'on ait pu faire des films comme ça et avoir le nombre de films qu'il nous a raconté depuis qu'il est dans cette émission. On s'est dit que quand même, on a passé beaucoup de temps à fabriquer des choses complètement incroyables. Incroyable comme l'est aussi votre musique. On vient d'écouter, j'allais dire, un vieux morceau. Oui, c'est un morceau qui a quoi, 2-3 ans celui-là ? Il est sorti en décembre 2020. Voilà, donc. Au meilleur moment, voilà, qu'on pouvait trouver, je pense. Oui, c'était effectivement. Oh, on était entre deux confinements, Jekyll et Hyde, qui donne un peu une idée de la musique que vous pouvez fabriquer. On va dire que c'est du rock, mais du rock lourd. On peut peut-être parler de hard rock tel qu'on pouvait le définir dans les années 70, lorsqu'on parlait de groupes comme Black Sabbath, comme Led Zepp, comme Deep Purple, des choses comme ça. Est-ce que ça reste une de vos influences majeures ou pas du tout? Alors, nous, on aime bien dire heavy rock. Heavy rock. Voilà, parce que hard rock, c'est vrai que on a tendance à se rappeler du rock des années 70, voire 80, avec tous les groupes que tu as cités, voire même tout ce qui est ACDC et qui vient après. Mais ouais, ça reste des influences assez importantes, assez majeures. Même si on se réfère aussi à des groupes actuels type Blues Pills ou Rival Sons, qui sont des groupes qui s'inspirent aussi de Deep Purple, de Led Zeppelin. Modernisé, voilà. Mais un peu modernisé avec le son jour. Et quelques influences. Ouais, voilà, au goût du jour, comme tu dis. Ouais. On va dire que depuis, il y a quelques progrès qui ont été faits au niveau de la captation du son. Pas que. Je dirais aussi que y a tout un passif de... Il y a eu plein d'années entre les années 70 et jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, tous les groupes actuels... Il y a eu une bonne cinquantaine d'années. Ouais. Tous les groupes actuels, du coup, s'inspirent de ce qui a été fait. Alors, pas du coup que dans les années 70, mais ont pioché dans les années 90, 80 notamment, pour des groupes comme a cité Rémi, Blues Pills ou Rival Sons. Et c'est vrai que si on parle de métal, de heavy rock, de... Au début de tout ça, il y a quand même le blues. Et si j'ai bien compris, pour Damantra, à l'origine de ce groupe, il y a un duo blues que vous aviez monté, Virgile, avec Mélanie. Tout à fait. Du côté de l'Est de la France. Ouais, du côté de Belfort, on avait un groupe de blues électrique. Et puis ensuite, on est passé à Toulouse. On a déménagé à Toulouse et on a voulu former un nouveau groupe un peu plus rentre dedans. Et c'est de là où a été créé Damantra. Le passage de Belfort à Toulouse, c'est pour quelle raison? C'est pour moi le travail. Ah d'accord, oui. Okay. Et moi, j'étais à l'école encore à ce moment-là. et donc vous arrivez à Toulouse et là vous dites on va jouer un peu plus fort, donc on a besoin de membres complémentaires et vous trouvez des Toulousains pour monter Damantra. Et des tarbés même. ça c'est les pires. Oui, c'est ça, c'est totalement comme ça que ça s'est créé. On a passé des petites annonces pour trouver des musiciens et puis c'est comme ça que ça s'est créé. Donc vous êtes né en tant que Damantra aux alentours de 2018. Ouais. Ce qui est quand même assez étonnant avec votre formation, c'est que vous arrivez quand même à jouer très souvent et à jouer dans des endroits où peu de groupes toulousains jouent. L'an dernier, vous avez joué au Palladium à Paris. C'est quand même une scène plutôt mythique. Elle est d'autant plus mythique que depuis votre passage, elle a fermé. Alors, vous n'y êtes pour rien, mais elle a quand même fermé. C'est vrai que vous arrivez quand même à jouer de manière assez régulière pour un groupe qui est en formation. Et vous le disiez tout à l'heure, au début, quand vous avez commencé, vous aviez une autre activité professionnelle. Oui, effectivement, on avait tous un métier, on va dire, ordinaire. Et depuis un an, on a tous lâché nos métiers et maintenant on se consacre à 100% dans la musique. Et, Et de toute façon, c'était l'objectif de base de pouvoir en vivre et de mettre tous les moyens possibles et dégager beaucoup de temps pour pouvoir, bah, effectivement, il y a la musique, mais il y a tout ce qui est autour, donc pouvoir faire du démarchage, etc. Et pour pouvoir tourner dans des salles mythiques comme le Bus Palladium. Mmh. Ce qui est à remarquer dans votre musique et dans votre univers, c'est un peu l'espèce de montagne russe que vous pouvez mener sur scène, mais aussi sur disque, entre des morceaux qui sont très forts, comme celui qu'on vient d'écouter là, et puis des morceaux nettement plus... Tranquille, à la façon d'un groupe de rock un peu lourd, mais tranquille, quasiment balade. Et c'est vrai que vous alternez assez régulièrement ces morceaux très doux avec des morceaux qui envoient la patate. Ça aussi, c'est des choses qui se construisent petit à petit. En fait, on avait quand même des grosses influences blues. Moi, j'ai des grosses influences jazz. Je suis une fan absolue de Mélodie Gardot, par exemple. Et du coup, forcément, on a aussi ce côté-là qui ressort par moment et qui a commencé à ressortir dès le début de Damantra, où on a directement fait des balades, quelques-unes, disons. Et après, ça reste assez... Virgile, il fait des bruits avec sa chaise. Pardon, désolé, je me suis pas rendu compte. Oui, c'est les grands groupes de rock des années 70, même 80, ont fait aussi beaucoup de grandes balades. Donc en fait, vu qu'on s'inscrit quand même dans cette veine-là, c'était aussi très très naturel parce que c'est ce qu'on a aussi écouté beaucoup, quoi. On fait du rock, mais on a grand cœur aussi. Ouais, ça rappellera une opération que le Bikini fait régulièrement aux alentours de Noël, les rockers ont du cœur. En termes de choix, vous avez fait le choix de chanter en anglais. Ce choix-là, c'est parce que cette musique-là, naturellement, c'est en anglais qu'elle doit se parler. C'est par rapport à ce que vous écoutez régulièrement, difficulté d'écrire en français. Je dirais que ça s'est naturellement fait en anglais dès le début. Il y avait aussi un moment où moi j'envisageais pas non plus d'écrire en français, donc voilà, ça se fait naturellement. Aussi, j'écoute quasiment que de la musique qui est anglophone, donc c'est comme ça que ça s'est fait très naturellement. Après, il y a des groupes qui font très bien du rock en français, je pense notamment à Bandi Bandi que j'adore, c'est en français et ça rend très très bien. Donc il n'y a pas de qu'est-ce qui doit se faire ou ne doit pas se faire. Juste nous, naturellement, ça s'est fait en anglais sur cette esthétique-là. Et c'est vous qui écrivez les textes, Mélanie, d'abord une facilité à écrire en anglais ? Là, en tout cas, dès qu'on a commencé à créer Damantra, oui, c'était en anglais que ça sortait naturellement. Et voilà, plus tard, j'ai appris à redompter le français, mais pour Damantra, c'est beaucoup plus naturel pour moi de le faire en anglais, et c'est quelque chose que j'ai choisi de garder. C'est une langue qui est plus musicale au final, musicale entre guillemets, mais en tout cas qui effectivement est beaucoup plus naturelle dans le style qu'on fait. Avec des thèmes de chansons qui tournent autour des interactions entre les gens. Oui, entre les gens, et c'est aussi beaucoup des conseils que je me donne à moi-même pour aller mieux, bon, qui ne sont pas toujours très bien suivis. Mais moi, je sais ce qu'il faut que je fasse, mais bon, j'ai du mal à l'appliquer. Mais c'est vraiment, en fait, je me rends compte que en fait, les textes, j'ai une approche où je les écris spontanément, où en gros, j'ai les garçons, comment se passe le process en général d'écriture, c'est que les garçons ils jouent et moi dans l'ambiance de ce qui est en train de se passer, je vais commencer à écrire, je chante en yaourt, donc des trucs qui n'ont ni queue ni tête, et il y a des mots qui vont commencer à sortir, et ensuite je dis ah tiens, peut-être que c'est ça paraît un peu mystique, mais peut-être que c'est mon corps qui veut me faire dire des trucs, et ensuite j'ai plus qu'à tirer la petite pelote de laine. Et donc souvent, en fait, il y a un texte qui s'écrit d'un coup, et quand le texte s'écrit pas d'un coup, c'est que c'est pas le bon. Enfin, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est forcé. Quand j'essaye de vraiment vouloir dire quelque chose de base, j'arrive pas. Je le disais tout à l'heure, Damantra, c'est un groupe qui a à peu près 4 ans d'existence. Vous en êtes déjà à un album, 2 EP. Le troisième va sortir d'ici un mois et demi. C'est une sacrée production pour un groupe qui commence. Eh bien, quand ça commence, on est tout fou. je sais pas, c'est un petit peu, je fais un peu le parallèle avec une relation concrète. Quand c'est très foisonnant, je trouve, au début, donc on a écrit beaucoup de morceaux rapidement. Et voilà, et ensuite, puis voilà, petit à petit, on va plus travailler les morceaux, donc il y en a moins qui sortent. Mmh. Mais voilà, là, sur le EP qui sort au printemps, il va y avoir 5 morceaux. Mmh. Donc voilà, on essaie de faire mieux. Et puis Robin, qui est donc le bassiste. Le bassiste. Il est aussi... Qui joue aussi de la batterie, mais c'est le bassiste. Il est aussi sondier. Le son, c'est son métier. C'est lui qui a enregistré ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc forcément, avoir à disposition ce genre de compétences dans un groupe, ça permet de produire beaucoup plus facilement des disques. Le travail en studio est important pour Damantra? Oui. Bah oui, c'est très important. On fait ce qu'on appelle des pré-productions avant d'enregistrer. Donc, par exemple, pour le prochain EP qu'on va sortir, on est allé au Paloma, qui est une salle à Nîmes. Et donc, on s'est enfermé pendant 3 jours dans un studio de répétition. Et on avait déjà des bases de morceaux, mais on les a, on va dire, concrétisées, améliorées avec l'aide de Julien, qu'on embrasse très fort. Avec des options différentes de ce que vous produisez en studio que ce que vous produisez sur scène? Pas tout à fait. Hein. On emploie à peu près le même matériel et puis on essaie aussi d'y mettre la même énergie quand même. Après, les morceaux de basse sont créés pour être joués en live. On n'a pas jusqu'à présent, en tout cas, créé de morceaux qu'on n'envisageait pas de jouer en concert. C'est vrai qu'il y a peut-être, pour vous avoir vu sur scène et pour vous avoir écouté sur disque, il y a sans doute quelque chose de plus péchu sur scène que vous n'arrivez pas encore à retranscrire sur les albums. Sans doute, effectivement. Nous, c'est le live qui nous nourrit et qui nous booste au... Je sais pas, c'est les hormones, l'adrénaline. C'est difficile à dire, mais effectivement, raison de plus pour venir nous voir en live, en fait. Parce que c'est quelque chose qui est, bikini, qui est difficilement captable sur disque. Rémi, vous aviez l'air de tordre un peu du nez par rapport à ce que je venais de dire. La différence entre le son des albums et le son que vous donnez sur scène? Je réfléchissais un petit peu à ce propos parce que c'est pas du tout une question qu'on nous pose habituellement. Nous, c'est vrai que tout ce qu'on veut, c'est faire des concerts, jouer devant des gens, et notre énergie, on la puise de la scène plus qu'on ne l'appuie du studio. J'étais plus en train de réfléchir à cet aspect parce que c'est quelque chose qu'on fait tellement naturellement, en tout cas que moi je fais naturellement, c'est on donne tout. Une histoire de faire un bon concert, voire très bon concert. Et si on peut aussi tout donner pour faire un super EP avec des beaux enregistrements, c'est encore mieux. Mais apparemment, les conditions ne sont pas les mêmes pour pouvoir arriver à avoir le même taux d'adrénaline et d'énergie. En concert, on n'a qu'un essai. On arrive, on passe, et c'est vrai. Je dirais même la grosse différence, c'est que jusqu'à présent, en tout cas, on enregistre chaque instrument séparément. Et sur scène, il se passe, je pense, quelque chose entre les musiciens qui fait que on se donne mutuellement de l'énergie pour booster le concert et ce qu'on va envoyer au public. Complètement. Et puis on enregistre aussi dans des conditions qui sont pas toujours on imagine peut-être les auditeurs imaginent des studios d'enregistrement à Bayreuth, des trucs géniaux. Si seulement. Rémi, il a eu de la chance, il a été on a enregistré les batteries dans un vrai studio, Flantier Records, dans les Hautes-Pyrénées. Par contre, moi par exemple, les chants, j'ai tout enregistré dans une comment on peut appeler ça ? Une tonnelle. Une cabane de couverture. Donc voilà. Donc c'est fait à la maison. Jusqu'à présent, tous les disques, on les a fait à la maison. Et c'est sûr que c'est pas du tout la même énergie qu'on a comparé à la scène, où là vraiment on se nourrit à une espèce de ping-pong aussi entre nous, mais aussi avec le public, qui fait que ça, je sais pas comment expliquer ça, ça nous transcende. Je trouve pas le mot, mais ouais. Il se passe vraiment quelque chose de ça différent. Ça nous donne de l'énergie. Dire tu donnes de l'énergie aux gens et les gens te la redonnent. Et ça, c'est un truc c'est exclusif au live. Et quand vous disiez transcender, c'est vrai que c'est presque le mot. Vous avez une autre histoire musicale parallèlement à Damentra qu'on a pu écouter pour la première fois il y a deux mois lors d'une soirée organisée par le magazine sur le magazine internet, le web magazine Opus. C'était Focus d'Opus au Métronome. On a pu vous découvrir avec un nouveau projet, Mélanie, ça s'appelle Mélanie le Sage, un projet plutôt folk, là chanté en français pour le coup. Et je me disais en vous voyant ce soir-là que autant vous êtes une vraie guerrière assez déchaînée avec Damentra, autant vous paraissiez très très fragile et très intimidée avec Mélanie Lesage. Donc effectivement, c'était votre premier concert avec ce nouveau répertoire. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez étonnant, comme si la musique de Damentra vous faisait sortir de votre corps. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec Damentra. En fait, j'ai quand même deux facettes très très différentes. La personne que je suis avec Damentra n'est pas vraiment la personne que je suis le reste de ma vie. Et en fait, oui, Damentra, c'est vraiment au moment où je vais monter sur scène en fait avec Damentra, il se passe quelque chose. Je sais pas, c'est Jekyll and Hyde. C'est Jekyll and Hyde aussi. Voilà. Waouh, quel bel. C'est placé. Bien joué. Et oui, il se passe quelque chose tous les quatre. Et avec ce volume aussi sonore, je vais pouvoir aussi me déchaîner et sortir quelque chose qui est en moi, qui est complètement différent, que je peux sortir nulle part ailleurs qu'à ce moment-là. C'est un vrai exutoire, ce style de musique. Je pense pour nous tous, hein, pas juste Mélanie. Je le disais en début d'émission, donc on vous voit bientôt dans 15 jours à Toulouse. Ça se passera le 26 janvier dans la soirée de clôture de ce festival Spirale. Vous faites partie quand même d'une scène toulousaine qui est assez en vogue en ce moment. Tout ce qui tourne autour du métal, du rock plutôt lourd, c'est des concerts qui sont la plupart du temps complètement gavé, que ce soit à la cave à rock, que ce soit à l'usine à musique, que ce soit à l'écluse Saint-Pierre, quand l'écluse Saint-Pierre était encore ouverte et qu'ils ont programmé quand même quelques groupes de métal là-bas, qu'on voit certains de vos confrères aux Connexions ou au Rex. C'est vrai que cette scène-là, elle a l'air d'être assez vivante et d'avoir su fédérer un public qui vient vous voir, qui vient vous voir, vous et vos collègues, quasiment tout le temps. C'est vrai que c'est des concerts qui sont la plupart du temps archi pleins. Mais c'est un public qui est très très fidèle en fait. Et ça c'est vraiment agréable. Et voilà, c'est on a souvent, quand on connaît pas le style métal ou même rock un petit peu vénère. On a souvent l'image que oui, il y a des pogos, oui machin, ça boit trop de bière et tout, mais en fait on dit ouais, le Hellfest, mon dieu, mais quelle abomination. Mais en fait c'est des endroits où c'est vraiment très très bienveillant et oui, c'est un public qui est vraiment très à l'écoute et très chaleureux et très fidèle. Et surtout, c'est une musique qui se vit en live, quoi. Tout ce qui est rock, même le blues, hein, dont tu parlais tout à l'heure, le blues, le rock, le hard, le metal, c'est des musiques qui se vivent vraiment, vraiment en concert. Et ça vient pas que de nous et de la sphère toulousaine, mais depuis la naissance du rock, ce sont des musiques qui se vivent en concert. On va dire que c'est la règle générale pour la musique. Ça se vit aussi en concert, mais avec des concerts qui sont sans doute plus fréquentés dans le milieu du hard que dans la chanson en ce moment, je veux dire. Par exemple. Il y a quelque chose d'un peu plus... Il y a une énergie un peu plus brute et un peu primaire qui se dégage de la musique qu'on fait et de tout ce courant rock qui fait qu'on a envie de sauter, de danser, de tout lâcher, alors que si on va à des concerts de musique classique ou de jazz, que j'aime beaucoup aussi, on s'assoit, on écoute attentivement, on réfléchit, c'est un peu plus intellectualisé et des fois on n'a pas envie de ça, quoi. Le rock, c'est on lâche tout, on donne tout, et puis il y a cette communion dont parlait Mélanie qui ajoute cette petite chose qui fait que les concerts de rock demeure en tout cas très fréquentée. Ce concert du 26, important pour vous ? Très important. Ah ouais. Très important. Ouais. C'est notre premier bikini. Donc on est très très très impatients, très heureux. Donc voilà, c'est petit à petit, on commence à aller dans des salles de plus en plus grosses. Donc ça va être aussi un test pour nous, pour voir un petit peu, tester le public au moins sur Toulouse et sa région, voir comment ça évolue, parce qu'on a fait le Connexion là cette année en avril, je crois. Et donc petit à petit on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent nous voir, et on est super heureux de ça. Et c'est drôle de voir aussi les mêmes personnes à chaque concert. Il y a certaines personnes qu'on reconnaît de concert en concert, et ça c'est vraiment, je trouve, c'est hyper gratifiant. On se sent vraiment chanceux d'avoir ce genre de personnes qui sont là et qui nous suivent autant, quoi. Surtout que pour le coup, avec ce style de festival, il n'y a pas que des gens qui viennent vous voir, il y a aussi les gens qui viennent voir les autres artistes qui sont programmés. Je signalerai que ce soir-là, il y a El Gato Negro qui fera son retour à Toulouse. Je pense que ça fait 3 ans, juste 3-4 ans qu'on ne l'avait pas vu à Toulouse. La dernière fois, c'était d'ailleurs au bikini. Ça devait être en 2018, quelque chose comme ça. Je crois que depuis, il ne s'est pas produit à Toulouse. Donc, El Gato Negro sera sur la même scène que vous, en même temps que des artistes de hip-hop, de soul, comme à peu près ce festival promeut et propose pendant ces 4 soirées. Donc, c'est vrai que là aussi, ça va vous permettre de voir si vous arrivez à fédérer un public qui, sur le papier, ne vient pas vous voir. Alors, on a déjà fait une soirée spirale, ça remonte à plus d'un an, aux Connexions. Effectivement, c'était déjà très éclectique avec du rap, du jazz fusion, etc. Et en fait, ça fédère. C'est le public reste là, les gens qui étaient venus pour le rappeur en début de soirée sont restés à notre concert, et ils étaient devant et ils étaient chauds. Donc, ça fait plaisir à voir que, de toute façon, même si c'est un style de musique que les gens n'écoutent pas forcément dans la vie de tous les jours, ils s'éclatent quand même en concert. Donc ça fait plaisir. Ce EP qui sort dans un mois et demi, il y a une évolution par rapport aux deux autres que l'on a pu écouter, et puis à l'album qui est sorti entre les deux. Il y a une évolution. Alors il va sortir en mai. En mai, donc oui. Donc un petit peu plus qu'un mois et demi, mais... oui, il y a une évolution. On s'affirme beaucoup plus dans nos influences 70s. Voilà, ça va. On va retravailler les sons. Comment ça se marque ? C'est une histoire de son. Disant, on revendique maintenant notre intérêt pour la musique des années 70. C'est des histoires de son ? C'est une histoire de son, mais pas que. C'est aussi une histoire d'intention. On nuance beaucoup plus notre façon de jouer. Mélanie, t'allais dire quelque chose en plus. Ouais, ça s'est fait assez naturellement. En fait, on n'a pas été avec une volonté spécifique. Ouais. Ça s'est fait naturellement dans notre évolution depuis que Rémi nous a rejoints. Et oui, il y a des petits détails qu'on remarque a posteriori. On dit ah oui, ça peut faire que il y a plus le côté 70s qui ressort. Mais tout ça s'est fait très naturellement. Et Robin s'est mis au clavier. Robin s'est mis au clavier. Donc, il fait du thérémine aussi. Donc effectivement, tout ça naturellement converge vers quelque chose qui est plus affirmé dans les années 70, avec toujours quand même un petit côté années 90 un peu plus punchy. Voilà, c'est un micmac de toutes nos influences, de ce qu'on écoute actuellement, qui est effectivement beaucoup plus années 70 que ce qu'on a pu écouter dans la vie de tous les jours au début du groupe. Ouais. Premier morceau qui est sorti il y a deux jours sur le net, Keep On, avec le clip qui va avec, morceau qui nous permettra d'atteindre les 2 mois et demi qui nous séparent de la sortie de ce EP. Là aussi, pour un groupe, c'est important de sortir un EP à ce moment-là de l'histoire du groupe, ou c'est simplement une photo qui donne un peu le paysage de ce qui se passe à ce moment dans la vie du groupe? Il y a un petit peu de ça. Enfin, pour moi, cette EP, je l'ai vécu comme un instant T. Voilà, c'est la musique qu'on a créée à ce moment-là, et il était temps de le coucher sur disque. C'est peut-être pas le bon moment de sortir un album avec 9, 10, 12 chansons dessus. C'est quand même un peu gros. Un peu ambitieux. Ambitieux, non, il faut l'être, mais disons qu'en tout cas, les 5 titres qu'on avait regroupés à ce moment-là nous paraissaient extrêmement pertinents et quand même bien lié pour en faire juste un EP avec 5 titres. Et là, voilà. On souhaitait du coup se concentrer sur effectivement un EP, pas pour être moins ambitieux, mais pour le préparer une sortie qui soit vraiment complète. Donc, y a des choses qui vont arriver un peu plus tard avec la sortie de cette EP. Et, donc, faudra suivre, voilà. Faudra nous suivre sur les réseaux sociaux, ça viendra. Ça viendra petit à petit. Avec quelques dates extérieures qui pourraient se révéler assez intéressantes pour vous. Par exemple. Voilà. En attendant, Damantra, on écoute tout de suite donc ce single que vous pouvez aussi retrouver sous forme de clip sur le net. Ça s'appelle Keep On. C'était Damantra. Ils seront donc le jeudi 26 janvier au Bikini. Concert largement recommandé par la maison. Pour une autre bonne raison, c'est qu'on aura l'occasion d'entendre aussi plein d'autres jeunes artistes toulousains en devenir. Merci en tout cas d'être venu partager pour votre visite avec nous super. Ce soir. En radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Mouh. Voilà, de Mantra, donc Keep On, histoire de vous rappeler que le 26, ils sont au Bikini, dans le cadre de la soirée de clôture du festival Spirale, qu'on peut les retrouver sur le net avec ce morceau sous forme de clip, et qu'on attendra 2 mois pour que le EP sorte officiellement. Allez, on finit l'émission avec la rubrique concert, et encore ce soir, il y a pléthore de concerts. Il y en a pas moins de 17 ce soir, vous annoncez. Ça commence à 19h30 au Centre culturel Henri Desbals, de la chanson avec Amandine Bontemps, qui chantera le répertoire de son premier album Relief, sorti l'année dernière et qu'elle était venue nous présenter ici même, il y a un peu plus d'un an. À 20h donc, l'association Quartier Libre fête ses 15 ans d'existence avec un concert plutôt ska punk à la salle des fêtes de la Beige à partir de 20h, au programme Les Ramoneurs de Merli, Les Ramoneurs de Menhir, Varlin et Burnout and Associate. Ce festival et cette fête pour l'association Quartier Libre qui continuera demain soir avec un deuxième concert au même endroit à la même heure. À la Candela ce soir à 20h30, vous pouvez écouter Javotte, un groupe toulousain de choro qu'il matine de jazz. Le résultat est plutôt intéressant. À partir de 19h30, donc deuxième étape du festival Spirale, aux Connexions Live avec ce soir Kimia, Nicolas, Natty Green, Esther and Pepper et Chamalov. Bal Occitan ce soir à 20h30 à Maison Blanche. Ce bal sera animé par le groupe Krubana. Soirée métal et death metal au Métronome ce soir à partir de 20h30 avec 3 groupes. Aïf Amenez, Children of Bordeaux et Solventis, donc à partir de 20h30 au Métronome. À la Cavaroque ce soir, les Sendeke fêteront la sortie de leur nouvel album. Ils seront épaulés par Bazar Bellamy. Alice Bénard de son côté chantera ses chansons en trio à partir de 21h au Folle Saison. Le Dada ce soir au programme de la Trans Indus avec Nar à partir de 20h. Soirée La Poésie c'est le pied, c'est ce festival de poésie contemporaine organisé par la CAF Poésie. À partir de 20h ce soir, Florence Valero et Timothéo Sergaï. Et puis ça continue demain soir avec notamment la Poésie Slam de Marie Dara. Il y aura également ce soir beaucoup de soul au Beers House avec Soul of Top à partir de 21h, du reggae à Sambarési à 21h avec Groove Steady Sound, du jazz au taquin avec l'opération Jazz Week montée par le batteur Christian Tonton Salut et le contrebassiste Julien Dutu. Également dans ce trio de base, on retrouve le pianiste Laurent Fickelson, et pendant tout le week-end, ils invitent chaque soir des musiciens différents. Ce soir, c'est le saxophoniste Ricky Ford à 21h. Demain soir, à la même heure, c'est le joueur de cornet Médéric Collignon qu'on pourra écouter. Et dimanche, à 18h, on pourra retrouver aux côtés de ce trio Tonton Salut, Julien Dutu, Laurent Fickelson, le chanteur belge David Lynx. À l'impro ce soir, à partir de 20h30, Lyonnaise Shep, un groupe de jazz pop amené par la chanteuse Manon Chevalier, avec Maya Cross au clavier et Pierre Paulet à la batterie. Au bijou, à 21h30, DBK Project, autour d'une espèce de conte onirique raconté en français, chanté en anglais, et au niveau musique, on est dans du pop rock matinée de électro. Enfin, à la salle Nougaro, à 20h30, rencontre avec le Quartetto Taffy qui invite l'accordéoniste Jean-Luc Amestoy autour d'un répertoire célébrant les chanteuses de l'Amérique latine, de Mercedes Sosa à Violeta Parra, en passant par l'afro-péruvienne Susana Beca ou la cubaine Celia Cruz, et puis également dans ce répertoire des chansons de la mexicaine Lila Downs. Quartetto Taffy qu'on écoute Illico avec un morceau tiré de leur dernier album paru l'année dernière, Amanecer, Yosel El Endigo. Et là, c'est une rencontre avec la chanteuse toulousaine Leila Martial qu'on pouvait découvrir dans ce morceau-là, Quartetto Taffy, donc ce soir à la salle Nougaro. Ce soir, que l'on pourra écouter avec l'accordéoniste Jean-Luc Amestoy à la salle Nougaro à partir de 20h30. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans quelques minutes, vous retrouvez John Little qui reprendra le contrôle des platines de Campus FM pour un nouveau incredible et génial Little by Little Wicked Show. Ça risque de chauffer. Tout à l'heure, il était assez énervé, notre bon John Little. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est la guitariste Marie Olaya qui sera installée devant nos micros. Marie Olaya qui sera sur le point de participer à un concert d'un pavé dans le jazz. Nous, on va se quitter avec Puccinella, dernier morceau de l'émission. Puccinella qui, demain soir à 22h, fêtera au Bruegel 18 ans d'existence plutôt agitée. Ça va être sûrement très chaud. Allez, salut les filles, à la semaine prochaine. Caramel.